Ibigira. Eric Kadoga sur la mise en onde. On s'excuse pour le retard de 3 minutes, indépendant de notre propre volonté. Merci pour votre fidélité. Bonjour et bienvenue à cette édition de la mi-journée pour ce 3 août 2020. D'abord le sommaire. C'est désormais un Burundais qui est à la tête des forces de mission de maintien de la paix en Somalie. Il remplace un Éthiopien, vous l'entendrez tout à l'heure. Les réfugiés burundais se trouvant au Rwanda, surtout au camp de Mahama, réclament l'implication du président burundais afin qu'il puisse rentrer de l'exil. Vous l'entendrez également. Et à Kayanza, l'on rapporte une faible participation des femmes dans les prochaines élections collinaires. Elles sont estimées à 18%. Notre correspondant Patrick Saint-Guillaume va nous en dire plus. Et dans la chronique sportive, aujourd'hui, on va vous parler des conditions de participation dans les championnats nationaux dans le foot féminin. Voilà pour l'essentiel. Isanganiro, la radio de l'avenir. Rebonjour, je vous le disais tout à l'heure, dès ce dimanche 2 août, le lieutenant général Ndegeya Diomede, le nouveau commandant des forces en mission de maintien de la paix en Somalie, à 57 ans, il remplace l'Éthiopien lieutenant général Tigabou Yilma, qui avait pris ses fonctions au mois de janvier 2019 à ce gradé des forces de défense nationale. Du Burundi a servi dans le staff de la MISOM de 2007 à 2009. Les militaires présents en Somalie proviennent du Burundi, Kenya, Ouganda, Éthiopie et Djibouti. Politique à présent, le taux de représentativité des femmes lors des prochaines élections collinaires en province Kayanza est faible, soit 18%. C'est ce que révèle le rapport de la commission électorale indépendante dans cette province. Jean Damour Boutoyi, président de cette commission, invite l'administration et la coordination du Centre de développement familial et communautaire à multiplier des séances de sensibilisation à l'endroit de la femme rurale sur la nécessité de se faire lire. Patrick Saint-Guillaume. D'après les données fournies par la commission électorale provinciale indépendante à Kayanza, le taux de femmes qui se sont fait enrôler pour se faire élire dans de prochaines élections collinaires et des chefs de quartier est bas par rapport à celui des hommes. Jean Damour Boutoyi, le président de cette commission, indique que sur 2379 qui se sont fait inscrire, seuls les 439 sont de femmes, soit un taux de 18% dans toutes les communes de la province Kayanza. Il précise que les communes qui viennent en tête avec le nombre de femmes en peu élevé sont principalement Gahomba avec 86 femmes, Matongo avec 75 et Kayanza avec 69 femmes. Son président de la CPI à Kayanza indique que certaines femmes rares se croient ne pas être à mesure de diriger les autres, dont un faible taux de représentativité dans les organes de prise de décision. Même point de vue chez France Dikoumana, coordinatrice du Centre de développement familial et communautaire à Kayanza. Il fait savoir que parfois, certains hommes empêchent leurs femmes à se représenter dans des organes de prise de décision, arguant qu'elles deviendraient véhémentes une fois qu'elles seraient élues. Quant au gouverneur de la province Kayanza, Rémi Chishahayo, il invite les hommes à en découdre avec cette mentalité de déconsidérer leurs conjointes et les exhorte plutôt à les encourager et à les soutenir. Il promet de multiplier via les administrateurs des communes les séances de sensibilisation en l'endroit des femmes à propos de leurs droits et devoirs ainsi que les contributions dans l'organisation de la vie du pays. Depuis Kayanza, Patrick Nsengimba, Radio Isangani. Merci Patrick Nsengimba. Parlons rapatriement. Certains réfugiés burundais se trouvant au camp de Mahama au Rwanda demandent au président burundais de s'impliquer davantage afin qu'ils puissent regagner leur pays natal. Ceux qui se sont entretenus avec la radio Isanganiro disent avoir préféré présenter une lettre ouverte au président burundais car ils ont demandé à maintes reprises au ministère des Affaires du Rwanda et le Haut Commissariat pour les réfugiés HCR de leur faciliter le rapatriement, mais sans succès selon leur témoignage. Ils trouvent que certaines autorités des ONG œuvrant dans le camp de Mahama serait à l'origine de ce refus de rapatriement volontaire. Suivez un de ces réfugiés signataires de la pétition. Il s'entretient avec Ezekiel Ndikumwenayou. Quand le peuple prend l'exil à l'extérieur du pays, c'est-à-dire qu'il est très content ou bien que c'est sa volonté. Nous avons subi une vie misérable. C'est pour cette raison que, pour le moment, l'état de rentrer chez nous, parce que la cause du refuge pour nous est déjà terminée. Dans cette lettre ouverte qu'on a écrite au président de la République du Burundi, on a déjà mentionné que dire au cas de Mohamed que tu veux rentrer chez toi, pour les uns et les autres, ça est pris comme une trahison. Et pour nous, certains d'entre nous, ou bien certains d'entre les employés des ONG et Vladaro Kadomahama profitent de notre exil. Et pour cette raison, quand tu seras au bureau d'IHCR ou bien au bureau de Minema, ils vont que tu veux rentrer chez toi. On te dit, présente d'abord les documents qu'on t'a donnés et puis tu pars. Pour nous, nous sommes déjà au Kadomahama, déjà il y a 5 ans. Il n'a pas de moyens pour te rendre chez toi. On se demande comment je pourrais vivre au Burundi sans toutefois rapatrier par le HCR comme d'autres réfugiés se trouvant en Tanzanie. Et c'est pour cette raison qu'on a écrit au président de la République parce que là où nous sommes, on ne nous permet de nous garantir nos droits comme les réfugiés se trouvant dans d'autres pays comme la Tanzanie. La lettre est adressée à Son Excellence le président de la République pour faire le tout possible pour nous rapatrier parce que la vie que nous menons est très médiocre. On demande au gouvernement du Burundi de bien collaborer avec le Rwanda en présence du HCR pour nous rapatrier. Pour le gouvernement rwandais, on demande de nous faciliter le rapatriement. Et d'ailleurs, nous avons la gratitude envers le Rwanda pour le service qu'ils nous ont rendu. Et déjà, on espère qu'ils nous faciliteront à retourner chez nous à l'égalité. Ce qui peut vous dire que c'est un petit groupe qui veut rentrer chez eux. Je ne suis pas d'une même avis avec ces personnes parce que celui qui réclame ses droits, même si c'est un petit nombre, le nombre est important. Il s'agit d'un réfugié signataire de la pétition qui demande l'implication donc davantage afin qu'ils puissent regagner leur pays natal. Sur ce, la rédaction donc de la radio Isanganiro a voulu savoir ce qu'en dit le gouvernement burundais ainsi le ministère de l'Intérieur d'y être prêt à accueillir techniquement ces réfugiés. Pierre Nkurikiye, porte-parole de ce ministère, précise que la correspondance de ces réfugiés n'est pas encore parvenue au destinataire. Après une courte pause, parlons agriculture. Isanganiro, la radio de l'avenir. À 13h05 dans les cieux de la radio Isanganiro, on vous rappelle que vous pouvez suivre cette édition via le www.isanganiro.org. Agriculture, à présent, comme je vous le disais, plus de 200 hectares de la localité de Nyakagunda, de la commune Rugombo en province de Chibitoke, ne sont pas exploités cette saison sèche suite au manque d'eau d'irrigation. Le directeur du bureau de l'environnement, agriculture et élevage indique que les canaux d'irrigation manquent de curage et le gouverneur de la province de Chibitoke dit avoir ordonné que le curage soit fait par la population adulte de la commune Rugombo pendant les travaux communautaires. Alexis Ndayiragich. C'est plus de 200 hectares se trouvent dans le périmètre irrigué qui jadis appartenait à la société Rugo Farm. Ce périmètre irrigué a été donné à l'État par la commission Terre et autres biens. Dans cette localité de Nyakagunda, les cultivateurs pouvaient exploiter ce périmètre pendant la saison sèche suite à l'irrigation par les eaux des canaux d'irrigation. Pour le moment alors, les eaux ne peuvent pas arriver dans les champs d'où la non-exploitation de ces plus de 200 hectares. Le directeur du bureau provinciale de l'environnement, agriculture et l'élevage, Béatrice Nyabenda, indique que ces terres ne sont pas exploitées puisque les canaux d'irrigation manquent du curage. Pour résoudre ce problème d'irrigation de ces champs, le gouverneur de la province de Chibitoke, Karim Bizoza, a pris une mesure que la population de Rugombo doit faire le curage de ces canaux d'irrigation pendant les travaux communautaires chaque jeudi de la semaine et que les administratifs à la base doivent contrôler les administrés et surtout dresser les listes de présence secteur par secteur. Depuis Chibitoke, Alexis Ndayiragije, Radio Isanganiro. Et Alexis Ndayiragije parlant droit de l'enfant à présent, des enfants dont l'âge est compris entre 8 et 12 ans sont visibles dans des travaux de fabrication des briques et dans le transport des pierres sur des sites d'exploitation et de fabrication des matériaux de construction dans la ville de Bujumbura et ses environs. Ils indiquent que ces travaux leur permettent de subvenir à leurs besoins. Au niveau de l'administration, on explique que c'est difficile d'empêcher ces enfants de faire ce genre de travail. Charles Makoto pour plus de détails. Je ne veux pas que je sois ministre. Je ne veux pas que nous tenions vers une approche avant. Patrick Sheba Ndaizeye, 11 ans, son rêve est de devenir ministre un jour. Plein de la boue au visage, une moule de déchamlette à la main, son travail dans la briqueterie de la série 4 du quartier Nyabagere en zone urbaine de Guihosha commence à 8h pour prendre à 16h. Cet écolier de la 5e année fondamentale fait savoir que cette activité fait qu'il s'achète ce dont il a besoin, comme les chaussures. Je peux fabriquer 600 briques par jour et on me paie 1200 francs pour l'argent que je gagne m'aide à m'acheter des chaussures ou vêtements. J'étudie en 5e année primaire et j'aimerais devenir un ministre pour que je puisse apporter une aide aux vulnérables. Si la rivière Gassigny, près du palais présidentiel, j'ai fait la rencontre d'une fillette dont l'âge serait compris entre 8 à 10 ans. Une panière pleine de pierres à la tête, elle monte la berge de la rivière Gassigny pour atteindre la route où sont entassées les pierres prêtes à être transformées en gravier. À la question de savoir son âge, elle m'adresse un petit sourire, m'indiquant d'un regard sa tante qui me dira par la suite que la fillette fait la 3e année fondamentale avant de confirmer que c'est de son propre gré que la fillette a proposé son coup de main. C'est la vie, souligne-t-elle. Cet enfant nous aide à déplacer les pierres. Ton avis, c'est comme ça. Si l'enfant te demande de travailler, il faut lui accorder la permission car il se reposera quand il sera fatigué. Floribel Sibomana, il est le chef de zone Guihosha. Il fait savoir que ce travail de fabrication des briques est souvent légué aux enfants depuis très longtemps. Depuis qu'ils ont commencé à faire ces travaux de briqueterie, vous trouverez ces petits-enfants qui font ce travail de fabriquer ces briques. Les personnes âgées, les adultes, pour eux, ils ne font que creuser et faire de la boue pour fabriquer ces briques. Mais le travail en soi de fabriquer ces briques est toujours fait par ces petits-enfants que vous voyez depuis longtemps. Alors, pour le moment, c'est très difficile alors de les interdire à faire ces travaux. Il demande aux parents de ne pas exposer les enfants à des travaux qui peuvent entraver leur croissance avec des impacts négatifs sur leur santé. Justement, Charles Makoto, le code du travail au Burundi est contre le travail des enfants de moins de 16 ans, mais cela peut être logique. Isidore Netourouye, coordinateur national au sein de la Fédération nationale des organisations de défense des droits de l'enfant, FENADEB, qui le dit, trouve que si l'enfant est contraint de faire ses travaux suite à la pauvreté, l'employeur devrait considérer dans ce cas l'âge de l'enfant suivi. Si les enfants s'adonnent aux activités de distribution de briques, de pierres ou d'autres produits de construction sur un chantier, si cet enfant le fait dans le sens de l'occupation, sans être rémunéré, ce n'est pas mauvais. Parce que l'enfant, s'il est fatigué, il peut se reposer. S'il a faim, il peut aller manger. Et s'il veut, il peut même arrêter. Mais s'il est rémunéré, il ne pourra pas faire ces alternatives-là. Y a-t-il des conséquences observées une fois que l'enfant fait ce genre de travaux? Oui, bien sûr. Il y a des conséquences à court, à moyen et à long terme. Un enfant qui s'adonne aux travaux lourds. L'enfant, d'abord physiquement, il sera affaibli physiquement. Il ne pourra pas réclamer son repos. Il ne pourra pas réfléchir comme il faut, comme un enfant. Penser à jouer, penser à faire quelque chose que les autres enfants sont en train de faire. L'enfant sera limité dans son épanouissement intellectuel. Il sera au niveau social. L'enfant qu'on maltraite, puisque ça devient une certaine forme de maltraitance. Il perdra ce sens d'humanité, ce sens de social, et considérera les gens comme des mauvais, des méchants. Et si l'enfant est contraint de faire ses travaux pour avoir de l'argent? La situation est un peu compliquée parce que l'enfant a des parents pauvres qui ne peuvent pas subvenir aux besoins scolaires comme le souhaite l'enfant. De l'autre côté, la loi interdit d'employer des enfants de moins de 16 ans. Alors, pour réconcilier les deux, c'est difficile, puisque d'un côté, il y a l'employeur qui ne va pas avoir du pitié pour l'enfant tant qu'il paye. De l'autre côté, il y a les parents qui n'ont rien à proposer à l'enfant pour qu'il aille à l'école. Alors, cette situation est difficile à concilier. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous savons que tous les parents, puisque la majorité des Burundais, des gens qui sont au Burundi, ce sont des parents qui donnent ces activités, lui donnent des activités que l'enfant peut faire, lui accorde son repos. Isidore Netouluye, coordinateur national de la FENADEB, qui s'entretient avec notre consoeur Ornella Mucho. Une brève sportive avant de passer à la chronique sportive et la révision des lois régissant le sport au Burundi et la construction des infrastructures sportives qui accueillent beaucoup de supporters sont certains facteurs qui pourraient promouvoir le sport au Burundi. Cela a été dit ce dimanche par Dieudonné Nahimana, président de la fondation DNF, lors d'une réunion organisée avec les présidents des fédérations et des athlètes dans le but d'évaluer les stratégies de la promotion du sport burundais. Les participants ont demandé au gouvernement de s'activer pour que les sportifs au Burundi puissent vivre de leur métier. Tout de suite, chronique sportive. Radio Isanganiro, chronique sport. Être âgé de 20 ans est l'une des conditions de participation dans les championnats nationaux de la première et de deuxième division pour les footballeuses burundaises. C'est l'explication de l'entraîneur de l'équipe nationale du football féminin, Daniela Nibimegna, a fait savoir qu'un club de la deuxième division monte en première division lorsqu'elle est classée première du classement définitif. Les détails avec Marie-Claire Kazeneza. Les compétitions des différents championnats sont organisées chaque année par la Fédération burundaise de football où les joueuses âgées de plus de 20 ans peuvent participer dans le championnat de la première division. C'est l'explication de Daniela Nibimegna, l'entraîneur de l'équipe nationale de football féminin. Le football féminin est organisé, je dirais, en trois catégories ou plus parce que nous avons première division qui est D1, il y a deuxième division qui est D2, il y a aussi troisième division, mais c'est un championnat local dans toutes les provinces. Ce qui veut dire qu'il y a aussi d'autres compétitions, mais ça dépend des catégories d'âge. Il y a les moins de 12 ans, 15 ans, etc. Cependant, elle fait savoir qu'une équipe de la deuxième division, classée première du classement définitif, est directement montée en première division. Je dirais qu'il y a un règlement spécifique pour toutes les disciplines, et surtout sur le football. Dans cette division, il y a les points qu'on atteint pour monter et aussi il y a les points aussi. Quand tu n'as pas ces points, tu descends. Par exemple, si tu es première ou deuxième, tu as le droit de monter n'importe comment parce que ça dépend des matchs que tu as gagnés et aussi des buts que tu as. Un club de football féminin de la première division est relégué en deuxième division lorsqu'il n'a pas atteint 20 points lors du championnat, comme l'indique Daniela Nibimegna. Concernant les équipes qui descendent dans l'autre division, par exemple, on dit le barème c'est 20 points. Si tu n'as pas atteint 20 points, obligatoirement tu descends. Dans la prochaine chronique sportive, Daniela Nibimegna expliquera les défis auxquels font face le football féminin au Burundi et les recommandations qui peuvent contribuer à la promotion du football féminin au Burundi. Merci Marie-Claire Kazeneza. Ainsi s'achève cette édition de la Mi-Journée. À vous tous qui l'avez suivi, je vous remercie. Je dis également merci à Eli Kadogo qui l'a mise en onde. Eli Nibel Nibigila, j'étais à sa présentation. Je vous souhaite de passer un excellent après-midi. Au revoir.